Les temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est du meilleur. Espérant des choses éternelles, car le meilleur en main de Dieu. Mais le Dieu, où espérons Rassure-toi que ta main est dans sa main. Il te tient main dans la main. Et tu marches avec lui main dans la main. Par sa bonté et sa grâce. Chaque jour, nous avons besoin de cela. De ses consolations. De ses visitations. De son remplissage. De son secours. De ses délivrance. Chaque jour nous voulons cela. Puissions-nous marcher main dans la main avec le Seigneur. Comme ces enfants si fragiles. Marchant aux côtés de leur père. Ils veulent se rassurer que leur main est dans la main du papa. Car on ne connaît pas qu'est-ce qui peut venir demain. Qu'est-ce qui peut se produire comme ça. Où est-ce que les criminels, le voleur peut fugir. Mais tant que nos mains sont dans sa main. Même si nos mains sont fragiles. Même si nos corps sont fragiles, et que tout homme debout n'est qu'un souffle, au moins sa main à lui est immuable. Nul ne pourrait nous nuire sans d'abord les détruire. Le Seigneur a dit que nous sommes dans la main du Père. Le Père les garde ses brebis dans sa main. Et nul ne peut les ravir de sa main. Cette assurance, nous l'avons en Christ. D'être dans la main du Père Céleste. Qu'il en soit toujours ainsi. Que Dieu me tienne par la main. Amen. Qu'il te tienne par la main. Amen. C'est la main la plus sûre. Dieu Tout-Puissant. Amen. Ce soir, nous te disons encore merci et gloire. Nous sanctifions ton nom exceptionnel. Son grand nom éternel. Qui nous garde plus que nous l'imaginons. Qui fait des merveilles innombrables. Qui veille sur nous même quand nous dormons. Et qui nous réveille chaque fois qu'il le veut. Et qui laisse les autres s'en aller. Dans le séjour du silence. Pendant le sommeil même. même en pleine activité. Réveille nos esprits. Pour la crainte de ton nom. Pour l'obéissance à la vérité. Pour la pratique de l'évangile. Réveille l'esprit de mon frère. Réveille l'esprit de ma soeur. Et que chacun s'examine. Pour être toujours en accord avec ta parole. Que chacun s'examine. Nous ne voulons pas de la légèreté. Ni de la négligence spirituelle. Ni de la négligence dans l'œuvre de Dieu. Que Père, ta grâce aide chacun à s'examiner. Il est vraiment temps de le faire. Plusieurs phénomènes se produisent. Les événements se multiplient. Le temps court plus rapidement qu'avant. Aussitôt le soleil réveillé. Aussitôt le soleil s'est déjà couché. Et nous courons après la nuit. Attendant déjà une nouvelle journée d'avant. Les choses passent très vite. Nous ne voulons pas être dépassés, Seigneur, par les événements. Mais nous voulons rester connectés à Dieu. Viens-nous par la main, Seigneur. L'église par ta main. Qu'est-ce que tabernacle par ta main. Et que chacun rentre en lui-même et s'examine profondément pour apporter des corrections dans les attitudes et les mentalités, dans les comportements et les réactions. Que tout soit corrigé et révélé. Que nous plaire à Dieu constamment. Nous croyons que tu es ici pour nous secourir. Et toi notre aide. Nous n'en avons pas d'autre. Que ton nom soit béni et exalté à jamais. Mais nous qui nous exauce chaque fois que nous prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur en guise d'exhortation ce soir dans l'Ancien Testament. Nous lisons dans le livre des Sophonies. Chapitre 2, le verset 1. Donc, le verset 1 et 2. Voilà. Sophonie 2, verset 1 et 2. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Nation sans pudeur. Mboka oyo ezangi lolenga komita malamu, ezangi soni. Mboka oyo esila soni. Voilà, nation sans pudeur. Mboka oyo esila soni. Avant que le décret s'exécute. Liboso ete na kata tina likambo moko. Et que ce jour passe comme la balle. Demokolo ele kaloko. Avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Liboso ete kanda monene ya kolo ekoya likolo na bino. Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Liboso ete mokolo ya kanda monene ya kolo ekoya likolo na bino. Il est temps de rentrer à nous-mêmes. Tango ebelemi komizongisa makati na yo moko. Et de nous examiner vraiment. Eko mitala malamu penza. Oui. Ésaïe chapitre 46. Saya mokapo. Nous prenons le verset 8 et 9. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Bokanisa oyo mpe bomimonisa bato mpenza. Saya yango na motema, bino bato na masumu. Bobanza-banza mpona makambo na liboso na kala. Wete ngai najali nzambe mpe mosusu ajali te. Ngai najali nzambe mosusu ajali lokola ngai te. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole sainte. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout. Mais notre exhortation ce soir, c'est qu'il est temps qu'on s'examine. Il est temps qu'on s'examine. À vous les frères, nous demandons cela. Nos bien-aimés. Et à vous nos sœurs, nous devons dire cela. Nos bien-aimés. À toute l'église, nous répétons cela. Il est temps qu'on s'examine. Et notre petite exhortation et méditation de ce soir part de deux réalités. Et c'est d'abord ce que disait Frère Branham au sujet du temps dans lequel nous vivons. Et la deuxième chose est un sujet d'actualité que nous ne devons pas Je répète, c'est cette réalité que nous devons intégrer dans notre méditation. Partir sur base de ça et réfléchir en profondeur. Le monde où toi et moi nous vivons, ne perds pas ça de vue, comprends que c'est la situation. Le monde est dans un état tel qu'une petite nation peut détruire le monde. Notre monde ici. Si nous prenons l'exemple de la RDC, notre pays, combien de fois nous ne parlons pas du petit pays Rwanda? Mais comment cette histoire n'en finit toujours pas? Des années et des et pourtant tout le monde est conscient que c'est un petit pays. Et le Grand Congo et les nombreux Congolais qui ont un pays presque continent, d'une superficie estimée à 2,345 km², et que le petit pays comme la Belgique est un peu colonisé, mais la superficie de ce petit pays appelé la Belgique, petit pays d'Europe, 30 fois dans la superficie, la dimension territoriale de la République du Zaïre, maintenant appelée République démocratique du Congo. Donc, la superficie de la Belgique, un petit pays. Il faut multiplier la dimension de la Belgique par 30 pour obtenir la dimension de la RDC. Mais c'est ce petit pays-là, avec un peuple minoritaire, qui est venu coloniser le grand pays appelé Congo. Et maintenant encore, ça fait plus de 20 ans. Depuis pratiquement les années 1994. Après le génocide de Hutu. Le bruit ont commencé là-bas du côté du lever du soleil de la RDC. Des bruits, des Rwandais, des histoires. Mais cette histoire a pris de l'ampleur. Et maintenant c'est devenu la chanson presque quotidienne hebdomadaire. Les Congolais en parlent, les gouvernants en parlent, les dirigeants en parlent. Mais que c'est un petit pays. Mais en même temps, on en parle dans un grand pays. Et pourtant la manière dont on parle de ce petit pays dans ce grand pays, ce n'est pas de la même façon que l'on parle de ce grand pays dans ce petit pays. Donc vous pouvez aller dans ce petit pays, entendre parler de tout et sauver de vous de grand pays là. Et vous-même Congolais, vous pouvez passer inaperçu là-bas, on ne fait pas garder. Allez même dans ce petit pays, Rwanda, vous pouvez passer inaperçu. Vous n'entendez pas sur toutes les lèvres, on parle des Congolais et des choses comme ça. Mais pourtant, ce qui paraît être grand, semble se plaindre et se lamenter continuellement de ce qui est petit. Ça, c'est deux petits exemples pour approfondir ce dont Frère Branham parle. Le monde est dans un état tel qu'une petite nation peut détruire le monde entier. Mais chaque nation doit savoir se remettre en cause. Elle doit apprendre à se rentrer en elle-même. Et par le prophète Sophonie, comme on l'a lu, Dieu avait déjà interpellé. Il a dit, rentrez en vous-même. Nation sans pudeur. Rentrez en vous-même. Nation sans pudeur. Quand on dit que nous sommes un grand Congo, et qu'on se questionne comment un petit pays, de rien du tout comme le Rwanda, peut malmener et menacer le grand Congo, n'avons-nous pas honte de le dire? Si notre grandeur était vraiment grandeur, pourquoi vantons-nous tant ce petit pays-là? Pourquoi en parlons-nous tant pendant que là chez eux c'est pas le cas. Le message doit s'adresser à cette nation congolaise également. Rentrez en vous-même. Nation sans pudeur. Vous vous vantez d'être grand. Vous allez montrer que vous n'êtes rien. Vous allez vous allez l'autre côté. Et c'est par manque de pudeur. Parce que vous ne savez pas éprouver la honte. Que vos bouches continuent à parler de grandeur. Bien-aimés congolais et congolais. Rentrons en nous-mêmes. Et examinons. Ça mérite d'être dit aux Congolais. Et c'est le moment Congo. Nation sapide. Nous parlons d'être grands. Et nous parlons d'être riches. Nous avons presque toutes les richesses. Du monde ici, dans notre sol, nous avons une vaste forêt. Nous avons des grands cours d'eau. Nous sommes un grand pays. Béni de Dieu. Et dans l'hymne national, on les chante. Oh, béni Congo. Nous savons toujours en redressant nos coups comme ça. Nous allons debout congolais, dressons nos fronts, longtemps courbés. On les chante, année après année, jour après jour, on arrive au drapeau. Vous allez couper ça le sac qu'on a appelé. Don béni Congo. Congo. Oui, nous préparerons ton soleil, nous assirerons. Nous préparerons ton sol, c'est ce que nous savons faire. Mais maintenant, quand il s'agit d'assurer sa grandeur, bien qu'on les chante, on ne sait pas le faire. Mais au lieu d'assurer cette grandeur, nous parlons de cette grandeur. Quel hymne qui nous humilie nous-mêmes. Ça s'appelle l'hymne national. Nous peuplerons ton soleil, nous assirerons la grandeur. On les chante. Mais est-ce que nous le faisons? Nous faisons une partie, nous peuplons son sol. Chaque jour, il y a des naissances à la maternité. Là, il y a des enfants qui naissent. Mais assurer la grandeur. Non, des jours au lendemain, on apprend les détournements, le vol, les grands égoïsmes. On a des hommes chiches. Qui veulent enrichir jusqu'à aux petits descendants de leur cherche, leur champ. Même son chiot a un compte bancaire. Et s'il a une petite tour, il y a l'argent pour s'occuper de lui. Il y a un médecin vétérinaire engagé et payé pour soigner les chiots. Mais entre-temps, leur semblable trime dans la misère. Rentrez en vous-même. Nation sans pudeur. Des fois, savoir se gêner peut nous permettre de changer. Mais quand on ne sait même pas se gêner, on prendra tout pour normal et avec les gens. C'est ce qu'il faut éviter. Rentrez en vous-même. Nation sans pudeur. Et examinez-vous. Et examinez-vous. Chacun doit le faire. Comme dit Frère Branham, le monde actuel, il est dans un état tel que une petite nation peut détruire le monde entier, pas seulement la RDC. Les hommes sont on fait des réalisations par des recherches scientifiques. Et elles ont dépassé le niveau de la poudre à canon. Et ils s'en sont à la bombe. Et non, ils ont dépassé les niveaux de la poudre à canon et des gaz empoisonnés. Vous pouvez empoisonner les gaz pour tuer des multitudes. Élimination de masse. Mais ce stade-là était passé. Où est-ce qu'ils s'en sont maintenant? Ils s'en sont aux bombes à hydrogène. Bombe à hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz très toxique et très inflammable. Mais la ruse de l'homme, la méchanceté des hommes, les a amenés à fabriquer une bombe à base de ça. Qui peut détruire même des végétations. Et ça existe, ce n'est pas une promesse ou un projet. Ça existe déjà. La bombe à hydrogène. Et ils s'en sont aux armes nucléaires. Et vous entendez parler dans les conflits russo-ukrainiens. La guerre là entre la Russie et l'Ukraine. Vous en entendez parler de la menace de l'arme nucléaire. Et c'est la deuxième chose que nous allons intégrer dans notre méditation. C'est que la télévision russe a annoncé. La semaine passée, en accord avec les bombes nucléaires, nous sommes en train de vivre sur un danger permanent. Ne pensez pas que ce monde tiendra longtemps. Nous sommes au temps de la fin. Ça ne se dit pas au hasard, c'est très sérieux. J'en viendrai à la télévision russe bientôt. Et ce qu'elle a annoncé la semaine passée. Au temps de Noël, les gens avaient négligé. Ils entendaient toujours, mais on a encore mis temps. Nous sommes jeunes. Et puis, ils ont avalé de l'eau. Le déluge est tombé. Et personne n'a été. De tous ceux-là qui prenaient les alertes à la légère. Et qui se disaient, ils se frottaient les mains. Oh, ils ont toujours dit ça. Ça fait des années, on ne sent pas, on ne voit pas quelque chose. Mais ils ont avalé de l'eau, ils étaient submergés. Dieu reste le même maintenant. Il a annoncé que ce qui s'est passé au temps de Noël arrivera pareillement à la il est temps qu'on s'examine. Le temps de Noé est en train de se répéter. Ils s'en sont aux bombes à hydrogène. Aux armes nucléaires et autres. Tels qu'ils peuvent faire surgir un sous-marin quelque part dans l'océan et détruire le monde. Et tout le monde a peur. Et c'est pourquoi ils tiennent des conférences. Cherchent à se rassembler pour trouver ce que nous devons faire. Dieu aussi tient des conférences. Dieu tient des conférences en cas d'urgence. Il rassemble ses élus. Il rassemble ses fidèles pour leur d'entendre sa parole pour qu'il s'agisse selon sa parole comme il avait dit par la bouche de David, rassemble-moi mon peuple par lequel je conclue alliance par le rassemble-moi son peuple. Et Dieu a fait dire à Moïse, rassemble-moi mon peuple et je leur ferai entendre ma parole. Le même Dieu nous rassemble encore maintenant. Parce qu'il a dit que là où sera le corps, c'est là que s'assembleront les êtres. Dieu l'a dit dans Matthieu 24, et ça demeure une écriture sur la miraille. Nous en vivons les effets au quotidien maintenant. Le rassemblement que Dieu a su. Et ses aigles à lui. Vous l'aimez? C'est vrai. Matthieu 24. Verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Et si Kanini et Jali et Bembe Wana, Bingombo, Ikoyangana. Là où il y a le corps. C'est la même vérité dans Luc 17 au verset 37. Là où sera le corps, c'est là que s'assembleront les aigles. Vous y êtes? Vous allez voir? Que Dieu nous aide. Le monde se rassemble. Et Dieu aussi rassemble les siens. Bien que le monde est dans un état tel qu'une petite nation. Et dans les 70 semaines de Daniel, Daniel a répété la même pensée aussi d'une petite nation. Et il a cité même l'exemple du Cuba. Il dit même une petite nation. De la taille de Kiba. Peut détruire le monde entier. Pensez-y. Nous, avec la venue de l'AFDEL dans ce pays, l'AFDEL le 17 mai 1990, mais un certain Che Guevara est devenu un peu célèbre. Même dans notre pays, parce que le leader historique de l'AFDL puisait aussi ses idées dans les idéologies de Che Guevara. Che Guevara était un révolutionnaire humain. Longtemps après sa mort, il y a eu un certain Fidel Castro. Il continue à faire la tête aux Américains, à l'impérialisme. Et la proximité de l'Amérique. Ils ont maintenu un état de tendance communiste. Là où la grande Amérique a essayé de dominer et de dominer. Et ils ont résisté pendant des années. Et jusqu'à présent. Après la mort de Fidel Castro, là au Cuba, il y a eu un Raúl Castro, son frère, qui a pris le commandement. Et tous ces gens ont des idéologies communistes. Alors que la grande Amérique voisine, ils ont les idéologies capitalistes. Mais comment une petite nation comme celle-là résister pendant longtemps? C'est parce qu'ils ont les hommes de conviction. C'est la force de la conviction. Quand il y a des hommes qui défendent un principe, qui paraissent intraitables, inflexibles, les grandes bombes ne vont pas les intimider. Ils tiendront le coup parce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent. Mais dans notre pays, chez les Africains, bon, c'est plus l'amour de richesse plutôt que le bien-être général. L'égoïsme est assez prononcé. L'égoïsme et la jalousie. Donc c'est les autres, quand ils voient leur frère essayer d'avancer, ils l'encouragent et le félicitent. Les soutiennent pour qu'il avance. Mais chez les Africains, bon nombre, quand ils voient quelqu'un essayer d'avancer, il faut le salir. Il a la magie. Il a la sorcellerie blanche. Il a touché au fétiche. Et puis il commence à les tirer vers les bas. Voilà la mentalité. Et les gens ne se gênent pas en faisant le mal. Ils n'en sont pas ainsi parmi les chrétiens. On ne trouve pas de chrétiens agissant comme ça. Montrons la différence. C'est bien possible de se distinguer. Car la parole que Dieu nous a confiée est une grande lumière. Faisons-la briller partout. Éclairons les âmes en ténébrés. Prêchons par les bons exemples et les bonnes manières. Que Dieu bénisse les croyants de la parole. Maintenant, Qu'est-ce qui se passe dans le conflit russo-ukrainien? C'est le cas qui a commencé le mois de février 2022. La nuit du 23 au 24 février. La télévision russe. Je pense que j'ai le titre ici. Voilà. Je vais les lire comme ça. La télévision russe propose au monde entier de profiter des derniers jours sur terre avant le drame nucléaire. Vous entendez le titre? Elle propose au monde entier de profiter les derniers jours sur la terre. Parce que d'ici peu, c'est le drame nucléaire. L'explosion des bombes nucléaires. Or, il y a après quelques semaines, que la Russie a déclaré vouloir s'équiper. Ajouter à son arsenal 50 nouvelles missiles nucléaires Satan 2. Il voulait en ajouter le nombre. 50. D'ici 6 mois. Donc ils accélèrent la production de ces grosses missiles-là, Satan 2. Et ils veulent en avoir 50 nouvelles têtes. C'est pour en faire quoi? Dites-moi. Déjà une seule tête peut aller atteindre le territoire américain à partir de la Russie. Et elle peut atteindre le territoire français depuis la Russie là-bas en l'espace de 9 minutes. 9 minutes 51 secondes. On tire et ça peut raser tous les territoires français. Tout le pays rasé. Mais soit homme privilégié. Et si la Russie là-bas en Ukraine limite, essaye de limiter les dégâts, de faire plus la dissuasion, l'intimidation. C'est parce qu'ils ne veulent pas une catastrophe humanitaire immédiate. Ils ont juste exhibé des colonnes, des blindés, des auto-blindés, des véhicules armés, des grandes colonnes. Mais sur le terrain, c'est pas la guerre sauvage que les Russes ont toujours fait, dont on connaît l'histoire. Donc, c'est plus l'intimidation pour amener les autres à réfléchir et à négocier. Mais un petit renégat qui a la tête sautée, cerveau brûlé, peut surprendre tout le monde en entrant là-bas, aller tirer sur un bouton, comme dit Frère Branham. Quelqu'un dont la tête a craqué peut se décider à la surprise générale d'entrer dans l'armement et tirer sur quelque chose, et ayant décidé de se tuer lui-même. Savez-vous ce qui va se produire? Ce sera comme les événements malheureux du 11 septembre l'an 2000. Vous savez ce qu'il y a eu? All Street Center, le plus grand centre mondial du commerce, a été détruit. Parce qu'il y a eu des kamikazes, ce genre de gens à la tête, au cerveau brûlé. Et lui ne réfléchit pas comme nous là dans l'ordinaire. J'en ai marre, ma vie aussi je peux éliminer, mais je ne mourrai pas seul. Je ferai comme les Samson de la Bible. Je vais mourir avec eux, mais un grand homme. Il fera une chose inouïe. N'avons-nous pas entendu quelque chose de similaire aux États-Unis dernièrement? Un jeune garçon a surgi dans une école avec son arme. Il a tiré sur 23 élèves. Ils sont tous morts. En pleine journée, il est entré. Ouvrez l'enquête. Vous qui aimez la logique et les droits, ouvrez l'enquête, allez. Venez condamner le coupable. Mais il est cadavre parmi les cadavres. Ce genre de personnages existent. Les kamikazes qui ont frappé les centres modernes ont existé. Un Oussama Ben Laden. N'oubliez pas, a existé sur ce site. Avec son Al-Qaïda, célèbre Al-Qaïda. Il a pris sur la tête sous les Américains pendant les années. Avant qu'on le capture. Ils ont fait ça. Malgré les grandes armes, la grande intelligence artificielle et tout, les grands centres d'études et des bureaux d'études, malgré les savants et tout, nous sommes là avec à peu près 52 effigies. Il changeait le visage à tous ses sangs. Il a une barbe de cette couleur, les Américains ont transpiré. Alors que ce n'était qu'un homme. Mais à la tête d'une organisation terroriste. C'est pour vous dire que des gens à la tête brûlée existent sur cette terre. On peut se réveiller un matin et quelqu'un crée la surprise. Êtes-vous là? Il est temps qu'on s'examine. Le Seigneur a dit, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Où la destruction de la terre se produira. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Réveillez-vous. Tenons nos prêts à tout esprit. Maintenant, on vous dit, toute la terre, le monde entier. Prière, profitez désormais. Les derniers jours de vie sur terre. Parce que le drame nucléaire va surprendre. Vous connaissez ce qui s'était passé au Japon. Dans les villes de Nagasaki. Et Hiroshima. C'était l'uranium congolais ici. Donc nous on s'est battu ici, mais d'autres ne font rien. On en a pris ici par les Belges, ils sont allés là-bas fabriquer. Et ça fait des déformations historiques. Ce sont des bombes qui ont produit des enfants mal formés. On est allés les essayer à Hiroshima, au Japon. Et il y a des milieux où les herbes, la végétation ne peut plus pousser jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant. La terre est stérilisée pour les bons. La nuit est fertile. Par le déversement de ces bombes. Et les enfants de ces manchons. L'autre avec un bras comme ça, mais ça serait au coude. L'autre avec juste un ou deux doigts. Et tout le reste, il n'y en a pas. C'était les effets de ces bombes sur les femmes enceintes. Vous ne regarderez pas des fois. Ça a déjà été essayé sur la terre. Dans la guerre, la deuxième guerre mondiale, 1940. Et l'histoire en parle. Mon frère, ma soeur, tous ces essais sont des avertissements d'une tragédie plus grande qui vient. Mais quand nous consultons le livre de Dieu, il vaut mieux s'examiner. Ne plus perdre du temps, parce que Dieu a dit, rachetez-les. Dieu a dit, rentrez à vous-même. Nation sans pudeur. Et Dieu a dit par Esaïe 6. Revenons là à Esaïe 46. Il a encore dit ceci. Pensez et souvenez-vous de ces choses. Esaïe 46, verset 8 et 9. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Hein? Soyez des hommes et alors vraiment des hommes. Vous allez penser bateau. Ne soyez pas les demi-hommes. Vous allez tirer bateau en dambo. Ne soyez pas moitié homme. Vous allez tirer en dambo moto. Ne soyez pas irréfléchi. Vous allez tirer montagne copanza. Négligence superficielle. Montona licolo licolo, comme on a commencé à vous pamba. Souvenez-vous de ces choses. Vous connaissez ma camboyo. Soyez des hommes. Et vous allez penser bateau. Pêcheur, rentrez à vous-même. Qui avait la nature pécheresse. Ne continuez pas à errer dans le vide, dans les pensées libératoires. À épouser les philosophies diverses militaires. Pécheurs, rentrez à vous-même. Dieu attend votre repentance. Dieu attend le renoncement à vous-même. Dieu attend la mort en vous-même. Dieu attend votre nouvelle naissance. Car il a dit que vous devez naître de nouveau. Ne continuez pas à aider, à errer dans vos pensées. Rentrons chacun à nous-mêmes. Pour des résultats meilleurs. Pour des expérience meilleure. Pour une marche meilleure avec le Dieu vivant. Pécheur, rentrez à vous-même. Mon frère, rentre à toi-même. Église, rentre à toi-même. Ma soeur, rentre à toi-même. Famille, couple, garçon, fille. Tout le monde, rentre à vous-même. Dieu l'ordonne. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Nous avons évoqué tout à l'heure ce qui s'est passé au Japon. Les drames humains et tous ces enfants mal formés dont une femme peut porter une grossesse et à la fin il engendre un enfant sans tête. Tout arrive au niveau du coup. Parce qu'il y a Pamba. 9 mois durant. On a eu le malaise lié à la grossesse. On a eu des troubles et tout. Pour espérer palper un enfant. Et à la fin, il est né sans tête. Asuka, bote, il a moto. Les membres, mais la tête n'existe Azena pas. Zoto, kasi moto, les bombes. Wana bobele, minduki wana. Les bombes à uranium. Uyu, salamakina, bisale, lamboka, Congo, yvanyoma. Mawa. Pas fabriqué au Congo. Et salamaki awa, te kasi moussale, l'uranium du Congo qu'on a amené là-bas. Et ça, les awa. Chers amis. Baninga. Les malformations continuent jusqu'à aujourd'hui. Les débuts en aïe avant tout, tu as battu les enfants qui naissent avec des têtes très grosses. Bata, bana, babosa, mina, mito, minene. Et d'autres naissent sans jambes. Basoso, babosa, mi, gozangaka, makolo. D'autres qui naissent collés à deux. Basoso, babosa, mi, bakanga, mi, vale. Qu'on appelle les siamois. Bango, babinga, makabato, bakanga, babinga, bana, lopoto, l'onengavana. Collés soit au niveau de la tête. Koko, kanga, mana, moto. Ce sont des jumeaux. Mais qui naissent avec les deux têtes soudées. Vous allez identifier deux visages. Mais au niveau du sommet là. Bon, elle colle là, et là, sa bouche qui regarde là-bas, et l'autre il regarde là-bas. Et les deux sont sortis ensemble. D'autres sont soudés au niveau de la poitrine. Ce sont les deux poitrines qui sont collées. Mais les deux têtes sont indépendantes et libres. Il y a toutes sortes de malformations. Jusqu'à présent. Dans différentes familles à travers le monde. Mes chers amis, Baninga, nous ne sommes pas éternels ici-bas. Une grande tragédie vient. Nous avons rappelé ce qui s'est passé au temps de Noé. Il n'y a pas longtemps ici. Pendant que nous méditons ici. Nous pouvons vous rappeler ce qui s'est passé au temps de l'autre. Dieu a déjà châtié des nations. Il a châtié des peuples et des villes. Il a châtié des peuples et des villes. Et il est le même jusqu'à présent. Qui annonce une tragédie qui vient. La colère de l'Éternel va fondre sur les humains. Dans la Sophonie 2, verset 2, il a dit, avant que le décret là ne s'exécute, avant que la colère de l'Éternel ne fonde sur vous, rentrez en vous-même et examinez-vous. Ça va venir et ce sera dur. Impitoyable. C'est ce qu'on a vécu jusque là, c'est minime, mais ce qui vient, c'est à large échelle. Dans le monde entier, personne n'échappera, excepté les élus qui seront enlevés bien. Qui dit amen? Il est temps qu'on s'examine. Pour voir si nous sommes prêts. Pour voir si nous sommes nés de nouveau. Pour voir si nous avons les sceaux de Dieu. Pour voir si nos vies sont en ordre avec le Seigneur. Il est temps qu'on s'examine. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Quand je suis Dieu et il y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Il n'existe pas d'autre Dieu. Et il n'y a personne semblable à Dieu. On le chante même souvent, mon côté à Kokani Nayo. Il n'y a point de Dieu comme toi. Et Dieu le dit lui-même. Il est sans pareil. Nul n'est semblable à moi. Vous venez voir ce qui s'est passé dans les temps anciens. Et chacun s'en rappelle. Et maintenant, il est temps qu'on s'examine. Revenons à Sophonie 2. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Nation sans pudeur. Église sans pudeur. Croyant sans pudeur. Voilà, membre de l'église sans pudeur. Yo motosila soli. Zonga na gatina yo sigao. Quoi qu'il soit plus déchaîné de demeurer incrédule pendant des années. De demeurer incrédule pendant des années. De demeurer inconverti pendant des années. Motosila soli. Rentre à toi-même. Zonga katina yo moko. Boyanga na pebo jala ici comme moko. Et libota, lioki solité. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Naino mobeko ebimite mokolo elongi lokola mpumbulu. Naino kanda monene na Yawe eyeli bino te. Naino mokolo na kanda na Yawe eyeli bino te. Mawa. Ça peut se produire. Matambo makoleka. Mais quand? Quand tu t'angolini. Nous voyons des prophéties s'accomplir. Le gouvernement a dit ça que le coup qui s'amassa. Des événements se réalisent. Matambo zali ko salema. Le Brenham dit ceci dans la 70e semaine de Daniel. Yakuso ya sambo, ya tuku sambo ya Daniel. Paragraphe 159. La kotanga mokama tukumitano na libwa. La 70e semaine de Daniel prêchée le 6 août 1961. L'église des nations est dans l'Odyssée. À la fin de l'âge de l'Odyssée. Nasuka na le kona l'Odyssée. Dis amen. Allez vous bénir Bongo. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Nous allons voir la partie. Les Juifs sont dans leur patrie. Wana bayure bazali na yango bazali kuna na kati. Et déjà l'apostasie des nations s'est produite. Wana mabota oyo basili kubunga kuzama ko dima yango. Et avec un président comme celui que nous avons là. Na mo ko jamboka lokola oto zali na yekuna. Un président catholique à son époque. Mokonzi oyo ya ba mupe na tango na ye. À cette époque. Na tango wana. Il devait être élu. Ya uta ko kuna ma. Voyez, aujourd'hui nous avons un président catholique à la tête des États-Unis d'Amérique. Wana mokonzi oyo ya ba mupe kuna na moto ya mboka Amerika. Celui qui est là. Wazali wana. Il est Un catholique pratiquant, nous l'avons déjà démontré ici. Joseph Biden. Et avec une vice-présidente. Kamala Harris. Une femme. Moi si. Prophétie sur prophétie. Wana lisakoli kona lisakoli. Hein? Avec des bombes. Wana atomiques. Suspendues dans les silos. Wana isami kuna likolo. Avec une église qui est tête. Na église ya wizali moto. Avec une église de gens qui se sont rassemblés. Et avec un ministère qui est la réplique du ministère de Jésus-Christ. Pour saisir la pierre contre le gendre. Qu'est-ce qui reste encore? Ça pourrait arriver d'une minute à l'autre. Qui dit encore amen? Le drame nucléaire dont la télévision veut s'apparler. Oh yo. Les jours de la colère dont Sophonie a parlé. Tous ces événements apocalyptiques qui sont annoncés. Le retour de Christ lui-même pour enlever l'église. La résurrection de mort en Christ. Ça peut arriver une minute à l'autre. Es-tu prêt? Es-tu en ordre? Il est temps qu'on s'examine. Il ne reste plus rien d'autre. Nous sommes au temps de la fin. Oh gloire. Je ne sais pas si je vais pouvoir arriver au jubilé. Là ou non. Mais je voudrais quand même vous en apporter au moins une partie. Oh mes chers amis. Réveillons-nous désormais. Réveillons-nous des sommeils. Si les Européens décident d'utiliser leurs armes nucléaires, la réplique de la Russie ne tardera pas. Il utilisera les armes nucléaires. Déjà, il est en train de s'approprier les centrales nucléaires de l'Ukraine. Dans les territoires dont il prend le contrôle, le roi du Nord, il venait de signer encore un décret. Une centrale est devenue propriété russe. Centrale nucléaire. Il récupère, entre temps, il multiplie le nombre de missiles nucléaires Satan 2. D'ici 6 mois, 50 nouvelles pièces. Ouvre le monde! Il y a une explosion inouïe. Ne prenez pas l'avertissement à la légère. Nous allons droit au mur. À la confrontation finale. Et elle aura lieu. Je vous dis qu'elle aura lieu. Ça peut arriver d'une minute à l'autre. Mais avant que ces bombes n'explosent dans l'église de Dieu sera déjà enlevée. L'église sera déjà enlevée. Nous serons déjà au ciel. Imaginez. Si ça peut arriver d'une minute à l'autre, que les armes nucléaires explosent. Entre en collision. Écoute, vous savez que l'Amérique a la stratégie du profil bas. Pendant que la Chine exhibe son armement, la Russie vante son armement, l'Amérique, elle fait le profil bas, elle cache ce qu'elle possède en réalité. Et ça, c'est pour surprendre les adversaires. Quand il voit que tel adversaire potentiel ou réel a tel arme, il commence à l'ouvrir, elle s'en va en collaboratoire. Il commence à développer tranquillement, il s'équipe, il possède. Il s'équipe, il possède. Mais là, les jours où on l'osera, là où les autres pensaient qu'ils étaient les seuls, c'est là que l'Amérique sortira ce corps ne le baisse. Et nous devons aussi prouver au monde qu'elle a une grande puissance. Et qu'est-ce que nous allons devenir, mes amis? La cendre et la poussière. Vous, les pécheurs qui ne voulez pas rentrer en vous-même. Vous, les méchants de ce monde ici. Vous deviendrez la cendre et la poussière. Comme au jour de l'Éternel annoncé. Ne vous fiez pas aux apparences. L'Allemagne est une puissance silencieuse. Le Royaume-Uni est une puissance silencieuse. La France a aussi de l'équipement. Bien qu'ils soient un peu bavards. Mais tous ces gens-là se sont regroupés dans l'OTAN. Mais regardez, malgré l'OTAN, qui se cache derrière l'Ukraine pour essayer de résister à l'Ukraine. La Russie fait tête jusqu'à présent. Et dernièrement, elle a engrangé de nouveaux alliés. Ils ont accueilli, mais dans la main. Mes chers amis, le temps est plein de transitions. Tout peut changer et basculer. Rien n'est sûr, aucune nation. Jésus-Christ seul est notre sécurité. Cachez-vous dans la parole de l'heure. Réveillons-nous du sommeil et naissons de nouveau. Et celui qui aime la vérité dit amen. Nous y sommes. Je vais lire ici. Pour terminer, nous faisons encore quelque chose ici. L'Entendant dit ceci dans les instructions de Gabriel à Daniel. Malako, na Gabriel, pas na Daniel. Bien pour que ça y est en passant. Le 30 juillet 1961. Paragraphe 81 et 82. Mais il fait un place ici. Et si Daniel, le prophète du Seigneur, a pu consulter les livres de Jérémie, et que ça lui fasse un tel effet, et même le fait qu'Israël sorte, et que tous ceux qui étaient vivants sortent de Babylone pour retourner dans leur patrie, que ça les fasse jeûner et prendre le sac à la tente. Combien plus de faits cela devrait faire à l'église du vivant, de savoir que le temps est en train de se terminer. Ça doit nous faire un plus grand effet. Mais vous êtes témoin. Vous allez voir ça, à quel point nous sommes insensibles. Nous sommes devenus durs à fuir. Pour obtenir le brisement, c'est devenu ceci et cassé. Pour qu'un chrétien arrive à déverser les larmes, pleure dans la présence de Dieu, ça devient tout un problème, il ne m'a pas à moi. Nous sommes devenus durs à fuir. Nous avons des raisons. Nous allons continuer ça. Mais Daniel a pris le sac et la sang. Daniel et Azaki, il a recouru au jeûne et à la prière. Il a pleuré devant Dieu. Après avoir consulté les livres, après avoir vu l'écriture sur la mirage, en voyant les événements prophétiques qui profilaient à l'horizon, mais ça doit faire plus de faire l'église maintenant. Mais regardez, pendant qu'on n'en parle, même la télévision russe essaye de nous réveiller. Regardez l'état de mon visage ici. Nous suivons le culte et la prédication de manière ordinaire. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas ce qui se passe visiblement? Y a-t-il une islam en pleurs ici? Pendant qu'on parle de choses si dangereuses, il évoque l'état d'urgence. Il l'état de l'église qui est même ici. Avant d'aller plus loin. On est là assis de manière ordinaire. Nous suivons l'exhortation quoi? Devenir dur à fuir. Dur à fuir. L'insensibilité. La lourdeur. La perception de la présence de Dieu, ça n'est pas lié. Nous sommes devenus durs à fuir. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Combien plus de faits cela devrait faire à l'église du vivant. Boni boni, yango sengale ko sala na keza na zambe na koma. Savoir que le temps est en train de se terminer. Et tango zali ko sila. Qu'il n'y aura plus de temps. Et ko zala tango lisu suke. Et que la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et na ko Yesu. Et le glorieux millénium. Bientôt être là. Ça doit faire plus d'effet sur les gens. Mais malgré ça, Atabongo, nous sommes ordinaires. Dieu l'a cuit. Comme le frère. Il faut une plus grande chaleur pour arriver à obtenir la fonte de l'homme. Le feu qu'on peut amener comme ça, nous avons lu la citation, on a lu la Bible. Et nous sommes là, regardant avec les yeux secs. Les hommes et femmes, tous pareils. Personne ne ressent l'état d'urgence. Dans son âme, nous sommes tout à fait normaux. Et c'est comme ça que l'enlèvement va surprendre les gens. Perdre son temps à jouer à des jeux d'argent. Aller à la piscine le dimanche. Et pas de temps pour le Seigneur. Comment on peut se permettre ça? Le temps est en train de se terminer. La venue du Seigneur fait pression. C'est pour détruire les noms bientôt. Les jours de la colère des ténèbres bientôt là. Dimanche, on part à la piscine. Et on n'a pas de temps pour le Seigneur. Même le dimanche. Et on fait un saut là-bas. Et quand on vient à l'église, le pasteur dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on se lève et on sort. Pendant que le temps est terminé, la colère de Dieu approche. Le jour de sa colère va fondre sur le monde entier. Ça vient, on vous annonce. Dimanche, on est à la piscine. Donc, le jour où on se réveille, bien, on vient à l'église. Je sors. Et si la réunion dure trop longtemps, eh bien, on est mécontent. Au lieu d'être mécontent, si la réunion est trop courte. Quand on n'a pas passé assez de temps dans la présence de Dieu, le chrétien spirituel est mécontent. Il est insatisfait. Parce qu'il aime avoir plus de temps dans la présence de Dieu. Mais regardez l'inverse. La perversion. Même parmi ceux qui se disent spirituels. Voilà là où nous sommes tombés. Regardez dans quel état nous sommes. Regardez ce que nous faisons. Comparons notre vie avec ce prophète-là, Daniel. Il était pourtant sous le sang des boucs et des fils. Mais nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça produit sur nous? Pourquoi cette inconscience collective? Pourquoi cette somnolence collective? Comment sommes-nous devenus dire à lui? Plus heureux ailleurs que dans la présence de Dieu. Plus heureux dans nos programmes que dans la prière. Quand on commence la prière, on ne prend pas beaucoup de temps. Parce qu'on est mal à l'aise en prière. Mais dans les autres programmes, là, on prend tout le temps. On doit faire même 4 heures d'affilée. Mais pour la prière, dès qu'on commence, on est indisposé. On doit arrêter. Ça veut dire qu'on doit arrêter. Et à l'église, mal à l'aise. Qu'est-ce qui fait ça? Il est temps qu'on s'examine. Un seul homme dans un royaume, Daniel. Daniel sans église, où aller? Mais toi, on me dit une église, où venir? Mais malgré ça, tu es devenu dur à couille. Frère, tu es devenu dur à couille. Tu peux me dire, il y a combien de mois ou d'années que tu as répandu de larmes devant Dieu? En prière. Et nous sommes mis à quelle est la dernière fois où tu as répandu vraiment les larmes en prière? Étant tellement touché par sa présence. Et je te dirai à combien de kilomètres que tu es loin de Dieu. Et tu es dans les formalismes, les formes de religion. Mais ton cœur est tellement de Dieu. Quand Isaïe est entré dans sa présence, ça n'a pas tardé qu'il crie malheur à moi. Mais toi tu fais des va-et-vient, toujours sec, parce qu'il n'y a pas assez de cette présence. Tout le monde pas là. Vira quick. Comme le faire. Un seul homme dans le royaume. Tout parti, Daniel. Sans église où aller. Dans la clé de Père et Ni aucune nulle part où aller. Tout avait été détruit et brûlé. Sa ville, son peuple était captif. Mais 68 ans durant, il a tenu le coup. Il a 68 ans. Il aimait la prière religieuse. Sans église ou aller. Sans pasteur pour l'engager. Il a tenu le coup sous le sang de bouquet de Toulon. Et nous aujourd'hui, des grands patapousses, des fainéants, malgré l'église, malgré le ministère, malgré la prédication, malgré la communion fraternelle, nous sommes devenus durs comme le Père. Il lui restait 2 ans, Daniel, à Babylone. Et alors, quand il s'est mis à lire dans le livre, et qu'il a vu que le temps de l'accomplissement approchait, que cela allait s'accomplir, il s'est approché de Dieu dans la prière pour savoir ce qu'il en est. Comme cette chose là. La télévision russe qui annonce ça librement. Les infidèles russes sans foi ni loi divine qui ont assez de bon sens pour demander au monde entier de profiter des derniers jours. Bientôt là, la vie sur terre sera rasée. La collision des armes nucléaires va détruire la vie sur terre. Les gros poissons et les petits dans l'eau, les êtres humains, les maternités, tous les bâtiments. Tout cela, tout le verset de tout. Les bombes vont exploser et feront des dégâts innombrables. Comme la Bible a prophétisé, et ils n'auront ni sépulture ni tombe. Ils seront même pas recueillis. C'est ce qui vient. Mais ces choses viennent, mais nous sommes ordinaires. Nous sommes fiers d'être durs à couille. Toujours des cœurs de pierre. Résistants. Quel moment crucial. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Alors que les nations se disloquent. Et que la mer rugit. Et que la peur fait défaillir le cœur des hommes. Pensez pas où ils ne savent que faire. Toutes ces choses. L'écriture sur la miraille. La désintégration raciale. Le mal sous toutes ses formes qui règnent dans le monde. Et les querelles, et les bagarres, et les histoires. Et il y a assez d'armes suspendues dans les silos. Pour qu'un petit pays de la taille de Cuba, près d'ici, soit capable de détruire le monde en 10 minutes. Si le Kiba peut faire ça, étant des philosophies communistes, un petit pays, si Kiba peut faire ça, serait la grande Russie. Un pays dont 75% du territoire est dans les continents asiatiques. Et 25% du territoire est dans le continent européen. Et la Russie. C'est le plus grand pays de la planète Terre. Son territoire est plus grand que celui des États-Unis d'Amérique. Même du Nigeria Africa. Pensez-y. Mais si un petit pays comme le Kiba pourrait détruire le monde en 10 minutes, qu'est-ce que la grande puissance russe peut faire? Mon ami, nous sommes assis sur une poudrière. Des autos vendus, vous pouvez les couler à Poutoulou, mon copain. Ça peut exploser à tout moment. Et qu'au qui pendra à temps, une minute à l'autre. Mais que vous et il en sera fini pour ce monde. Et qu'aussi la fin de mon kilo. Qu'est-ce que tout ceci te dit? Serais-tu toujours fier d'être dur à fuir? Comme le faire? Comme le faire? Nous avons un plus de feu. Et encore plus de feu. Moto mingi. Miséricorde. Mawa. Il y a assez d'armes suspendues dans les silos. Pour qu'un petit pays de la taille de Kiba. Près d'ici. Donc, près de l'Amérique. Près d'ici, des États-Unis d'Amérique. Soit capable de détruire le monde en deux. Et eux, ils se querellent des hommes impies. Qui ne connaissent pas Dieu. Et qui ne connaissent pas sa puissance. Et le Saint-Esprit est dans l'église. En train d'agir parmi les élus. Et de montrer qu'il est vivant après 2000 ans. Et qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Comment peut-on rester assis là? Nonchalamment. Le Saint-Esprit agit dans l'église. Les impies, les païens, ces querelles, ce sont des histoires, des disputes et tout ça. Mais nous, les gens sont assis. Malgré le Saint-Esprit, tout ce qu'il y a. Il y a la nonchalance. Voilà. Nonchalamment. Bwana bazali ko tuta makoto te. Non chalamant assis là. Bafandi wana. Branham demande comment est-ce possible? Alors que ko sale ma bongo lo lenge nini. Comment peut-on prendre la chose comme ça à la légère? Lenge to ko zali kamba ngona pamba boye. Il est temps qu'on s'examine. Tangwe bele mito mitala malamu. En voyant cette grandeur qui approche. Omonaka monene zali ko belema. Il est temps qu'on. Tangwe bele mito. Il est temps qu'on. Tumitala tala malamu. Déjà, votre nonchalance est un sérieux problème. Le manque d'intelligence dans votre cœur, c'est un sérieux problème. Le manque d'empressement pour le royaume de Dieu, c'est un sérieux problème. Mon ami, tu es malade. Tu es très anormal. Dans un temps comme celui-ci, mon cœur doit me trembler chez toi. Nous, on est assis nonchalamment. Nous sommes à l'aise d'être durs à cuire comme le frère. Et dans les mêmes routines, chaque jour après nous, nous faisons des prières routinières. Quand il faut prier, on fait notre vie. Mais dans nos autres programmes, il y a la prolongation. Et ça ne nous gêne même pas, ça ne dérange rien. Quand nous sommes en train de liker les vidéos sur Facebook. Tango tozali ko kolinga kondima iyo na. Parce que quelqu'un t'a demandé de liker. Fouete mota senge ke onde na yo. D'appuyer même 50 fois. Wana ko kondima kambala mingi. Pour faire plaisir à un inconnu. Wana ko sepele sa moto ebite. Là tu prends ton parole. Wana zo tango na yo. Mais quand il s'agit de prier sa fesse. Tango senge ko bonde na kozanga kotika. Après de 3 à 5 minutes. Bopele minute mitano sa moto. On commence déjà à préparer la clôture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis on va rentrer comme ça. Dire Maranatha, Jésus vient bien. Messieurs, madame, tu n'es pas prêt. Tu n'es même pas prêt. À quoi bon dire que Jésus vient bientôt? Quand on ne dit pas prêt, tu ne partiras pas. Tu n'as pas le choix de Dieu. Quand tu le sais, tu ne fais rien. Tu n'es pas gagné de nouveau. Mais tu ne fais rien. Il est temps qu'on s'examine. Le pasteur ne fait que prêcher. Mais un jour ce sera le jugement. Vous l'aurez entendu pour la dernière fois. Si ce soir c'est le dernier. Parce que nous disons que ça peut arriver d'une minute à l'autre. Soyons conséquents. On ne l'hésite pas pour le dire. Ça peut arriver d'une minute à. Et Dieu nous aide. Lève-nous pour la prière. Dans peu de temps, le matin viendra. Crois seulement, oh non, c'est le cantique, oui, crois seulement numéro 32. Nous sommes souvent ballottés sur la mer houleuse du temps. Les tempêtes et les cieux sombres succèdent au soleil brillant. Au pays des jours parfaits, quand les brumes sont dissipées, oui, nous les comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints des dieux seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vaincions, car nous les comprendons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints des dieux seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vaincions, car nous les comprendons mieux dans peu de temps. Nous sommes souvent dépourvus des choses que cette vie démontre. Affamés et sans abri, terre s'arrête, colline sèche. Nous nous confions au Seigneur, et c'est selon sa parole. Oui, nous les comprendrons mieux dans peu de temps. En peu, dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints et dieux seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vaincions, car nous les comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints et dieux seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vaincions, car nous les comprendrons mieux dans peu de temps. Nous avons partout des preuves et nous ne comprenons pas la manière dont notre Dieu nous conduit à la terre promise. Mais son œil veille sur nous et nous suivons jusqu'au bout, car nous les comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints des dieux seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vaincions, car nous les comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints et dieux seront rassemblés, nous allons raconter à nos vaincus, car nous les comprendrons mieux dans peu de temps. Prions chacun. Implorons sa miséricorde. Que Dieu secoue ton âme. Il secoue cette âme. Il la réveille du sommeil. Qu'il mette l'état d'urgence. Qu'il te fasse comprendre le sérieux de la situation mondiale. Qu'il mette fin à toute légèreté. Prions chacun. S'accomplit sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Bientôt, oh bientôt s'ouvriront les cieux. Ah, combien de tampons c'est vous. Oh, Église, ne reste encore mes frères. Il est plus tard, que vous ne le pensiez. Puis le Seigneur revient bientôt, Ah, combien n'est un pas faible. Oh, ma soeur, ne reste encore. Il est plus tard. Que bonne le pensier. Amen. Et le Seigneur revient bientôt. Les signes se voient dans les cieux, sur la terre et partout. À nos sangs, il n'y a plus de temps. Répentez-vous, vos amours. Église, combien c'est en pensez-vous, quand l'église ne reste encore, mes frères, il le plus tard, que vous ne le pensiez, amen, oui, le Seigneur revient bientôt. Ah, combien est en pensez-vous. Oh, mon âme nous reste encore, mes frères, il est plus tard, que vous ne le pensiez. Oui, le Seigneur revient bientôt, la fin de toutes choses est proche. Soyez salons, soyez sobres. Alors, oh sagesse, prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu, vivez la vie des bons chrétiens. Oh combien et t'en pensez-vous, tabernacle nous reste encore mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensiez. Amen. Oui, le Seigneur revient bientôt. Ah, combien des enfants pensez-vous. Oh, mon frère, nous reste encore mes frères. Il est plus tard. Vous ne le pensiez, amen, oui, le Seigneur revient bientôt, dans le ciel enlevé. Ciel enlevé. Nous irons à la maison. Celui qui nous a sauvés. C'est celui qui nous a sauvés. Et avec lui, nous régnerons. Et avec lui, nous régnerons. Oh, combien des enfants pensez-vous. Oh, Église, nous reste encore mes frères. Il est plus tard, vous ne le pensiez. Amen. Seigneur, reviens bientôt. Oh, combien de temps pensez-vous. Mon église reste encore ma paix. Il est plus tard. Vous ne le pensiez. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Parmi chrétiens, combien de temps couple chrétien, vous restez encore. Célibataire, il est plus tard. Vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Il revient effectivement. Moi, je ne veux pas rater ces rendez-vous. Je refuse de rater. Que sa miséricorde s'exerce. sur chaque âme sincère. Que Dieu te donne plus de sincérité encore. Que tu sois plus profond et sérieux avec lui. Qu'il enlève la complaisance. L'indifférence spirituelle. De trouver tout normal. L'heure est très grave. Nous sommes au temps de la fin. Les minutes sont comptées. Bientôt c'est la catastrophe. À l'échelle planétaire. Et on n'en parlera plus. De nouveaux cieux viendront. Une nouvelle terre viendra. Là où la justice et la paix habitent. Ça paraît un vieux rêve. Mais c'est le programme du Dieu vivant. Le créateur des cieux et de la terre. Il en est le décideur. Quel sera ton sort dans tout ça? Quelle viendras-tu avec les mondanités, les sûres, les légèretés, les laisser-aller? Dieu exige la sanctification. Il élève tous nos cœurs entiers à lui. Pas de demi-sacrifice. Pas de faux semblants. Avec lui, tout est sérieux. Montrez-vous très sérieux. Les sacrifices qui lui plaisent, c'est un cœur brisé. Dieu veut voir ça. Des gens qui l'estiment indispensable. Plus de prière, la vie de prière. Que mon Dieu plus près de toi ne soit pas qu'une chanson. Que soit une vie permanente. Mon Dieu plus près de toi. Dieu bien-aimé. Nous te remercions pour cette soirée, pour les secours que tu nous apportes, par l'exhortation, pour interpeller nos cœurs, pour nous réveiller du sommeil, pour briser l'indifférence, pour arrêter la mondanité, pour chercher la sanctification, multiplier la piété, intensifier les prières, chercher la face de Dieu, combattre jusqu'au bout. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu, le vivant et l'incomparable. L'immuable, le même dans toute régénération. Dieu qui agit dans le passé, et qui agit au présent, qui agira aussi au futur bientôt. Que ta miséricorde se déverse dans nos cœurs. Place l'état d'urgence dans mon frère, dans ma soeur. Place vraiment l'état d'urgence. Mais cet état d'urgence, il y a des effets spirituels, des effets surnaturels sur la vie quotidienne et le geste de tout être. Nous voulons le changement continu. Nous ne voulons pas nous complaire comme tout ce fait de ce chaos spirituel, de ce bas niveau. Mais nous cherchons la hauteur et nous réclamons auprès de toi que justice divine soit faite. Manifeste ta bonté, manifeste ta puissance, viens au secours de chacun. Et toi seul notre aide, exauce notre prière, Seigneur. Montre-toi clément et bon, montre-toi profond, montre-toi amour divin, manifeste cet océan de bonté, que nous puissions en jouir et en profiter pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bukubanda. Que Dieu vous bénisse. Bukubanda. Imaginez, si c'était la dernière réunion, Bukubanda. Il